Radiomatique. Amorcer la transmission 496 d'Audiomatique, les sonoristes ont choisi de vous présenter le défunt groupe américain Majesty Crush, qui a existé de 1990 à 1995. Ils nous interprétaient la pièce Scène, comme dans la scène, de son mini-album Sans muscles, paru en 1994. Et maintenant, c'est au tour du duo américain The Riding Squares d'assurer la continuité à Audiomatique. We'll be right back. Thank you.

Nous avions droit à Audiomatic, à l'artiste anglais Kieran Hebden, mieux connu sous son pseudonyme Fortet, de son 12e et plus récent album Three, lancé le 15 mars 2024. Nous vous avons présenté la pièce So Blue. Précédemment à Fortet, il s'agissait du guitariste de jazz américain Bill Frisell, accompagné par le bassiste Thomas Morgan, le batteur Rudy Royston et également du Umbria Jazz Orchestra. Il nous interprétait la pièce « Look Out for Hope » qui a été capturée lors de deux concerts en Italie les 30 décembre 2021 et 1er janvier 2022. Cette version apparaît sur le plus récent album de Bill Frisell, soit l'album double « Orchestras », qui comprend des performances en concert de pièces de Bill Frisell, dont les orchestrations ont été faites par le Britannique Michael Gibbs pour l'Orchestre philharmonique de Bruxelles sur le premier disque et pour le Umbria Jazz Orchestra sur le deuxième disque. Et pour débuter ce segment musical, nous entendions le duo américain The Writhing Squares, de son 4e album Mythology, sorti le 26 avril 2024, nous vous présentions la chanson The Damned Thing. À Audiomatic, nous poursuivons cette fois avec le groupe australien The Church.

C'était à Audiomatic, le saxophoniste de jazz américain Kamasi Washington, de son cinquième album studio paru le 3 mai 2024 et intitulé Fearless Movement. Nous écoutions la pièce Road to Self, K.O. Tout juste avant Kamasi Washington, nous avions droit à la formation australienne The Church, de ce qui serait son 27e et plus récent album Eros, Zita and the Perfumed Guitars. Nous vous avons offert la chanson A Strange Past. En conclusion de cette transmission 496 d'Audiomatic, nous avons décidé de vous faire entendre la musique du groupe allemand Heinstürzende Neubauten, de son plus récent album Rampen, APM pour Alien Pop Music, lancé en avril 2024. Nous entendrons la pièce Haus den Zeiten. Nous vous donnons bien sûr rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatic. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomatic CFOU si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Voici Heinstürzende Neubauten et la pièce Haus den Zeiten. C'était Audiomatic avec les sonoristes. Übers Dach. platzt an den Fenstern. Sie flieht hinter die Bücher. Hier will sie nicht sein. Bis die Tür sich öffnet, bis die Tür sich öffnet.